Donc du coup, dans la lignée de cette intervention, on va vous proposer à 17h un atelier mouvement autour de mots un peu représentatifs de la nuit debout. Donc ce que je vous propose là, c'est de nous suggérer des mots et après on fera un choix complètement arbitraire de 10 mots et on essaiera d'improviser individuellement puis collectivement des mouvements histoire de faire une chorégraphie collective autour de ces mots-là. Donc je sais pas, si je vous dis nuit debout, vous pensez à quoi? À quel mot? Place de la République. Donc place de la République. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? S'il vous plaît. Donc nuit debout pour madame, c'est place de la République. Est-ce qu'il y aurait d'autres suggestions pour l'atelier mouvement de tout à l'heure? On en a fait un la semaine dernière. Et du coup c'est assez fort parce qu'effectivement Manon qui sera là tout à l'heure en fait propose donc cette liste de 10 mots et après on choisit soit donc de faire un mouvement par mot individuellement ou on se met en petit groupe et il y a vraiment des échanges qui se créent avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre par ce prétexte là et à la fin donc chaque groupe fait ses mouvements en même temps. Et ça crée une chorégraphie, on va dire, désorganisée, mais assez chouette. Donc du coup, place de la République, il en faudrait d'autres. Si on vous dit nuit debout, à quel mot vous pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Convergence. Convergence. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Toujours recommencer. Toujours recommencer. Solidaire. Solidaire. Est-ce que quelqu'un a une autre suggestion? Ça peut être quelque chose de plus léger. Par exemple, la semaine dernière, on a eu pâquerette. Hein, voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Si on vous dit nuit debout, vous pensez à quel mot? 111 mars. 111 mars. Répression. Répression. T'as rire. T'as rire. Je scande les mots, je les répète, vous m'excuserez, je fais le perroquet. Est-ce que quelqu'un aurait une autre proposition? Jeunesse. Jeunesse. Pluie. C'est pas mal, pluie. Rencontre. Est-ce que quelqu'un aurait une autre proposition, un autre mot? Non, on est à combien là? 11, madame, si on vous dit nuit debout, vous pensez à quoi? À quel mot? Madame, enchantée. Excusez-moi, mais je suis pas féministe, mais féminin, masculin. On peut m'appeler madame, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que... réveil, c'est ça que je voulais dire. Voilà. On l'a deux fois, il est validé d'office. Bah, validé. Nuit blanche. Nuit blanche. Si on vous dit nuit debout, vous pensez à quel mot? Nuit debout, à quoi tu penses? Non, parle français, pardon. En quelle langue vous parlez? Espagnol. Et bien en espagnol, par exemple? Pardon? En espagnol? A qué piensas cuando te dicen nuit debout? Quelle est la première parole? Lucha, resistencia. Lucha, resistencia. Vous avez une proposition? Ouais, je peux faire une blague, mais... Allez-y. Bah, moi, je pense à ma fille, parce qu'elle se réveille la nuit. Voilà. Okay. Et du coup, on peut avoir un prénom? Étoile. Étoile. Merci. Ok. Étoile de la lutte aussi, dit madame. Est-ce que quelqu'un aurait... Scheherazade. C'est révolte et résistance. Révolte et résistance. Et bien alors, si je vous dis nuit debout, quel est le premier mot qui vous passe par la tête? Par contre, va falloir se rapprocher de moi, sinon je tire la sonnerie et je la casse. Écoute. Écoute. Météo. Météo. Quelqu'un d'autre? Un autre, allez. Faire. Faire. Monsieur, si je vous dis nuit debout, vous pensez à quel mot? Autogestion. Horizontale. Madame. Inclusive. Inclusive? Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou... Personne? Ouais, du coup, je vous invite à rester et à participer à 17h à cet atelier mouvement. Donc, comme je vous le disais, le choix va être arbitraire. On va partir des mots que vous nous avez proposés et on va en faire une sélection de 10. Donc, pardon pour les frustrations à venir. Et voilà, je vous invite vraiment à rester parce que c'est un chouette moment de partage et d'échange. Donc on va commencer. Je ne sais pas quelle heure est-il, mais... Ouais, dans 15 petites minutes, le temps qu'on écrive la liste de mots, etc. Donc soyez nombreuses. Et en attendant, pour vous occuper, j'attends quelqu'un qui va venir faire une annonce, mais il n'est pas encore, ou elle n'est pas encore là. Du coup, si vous voulez participer à l'éducation populaire et nous aider dans l'organisation, n'hésitez pas, on a toujours besoin de bras pour nous soutenir. Également, si vous voulez nous soutenir en donnant un petit peu d'argent, ça nous permet en fait d'acheter tout ce qui est sono, matériel, micro, bâche, corde, ou même du papier pour faire là ce qu'on a fait tout à l'heure, un atelier pratique de dessin et de peinture. Et surtout, si vous voulez nous proposer des interventions sur un sujet qui vous tient à cœur, auquel vous avez pensé, ou même une pratique, votre métier, n'importe quoi, s'il y a quelque chose dont vous voulez parler au plus grand nombre, n'hésitez pas à nous proposer des interventions. Donc la caisse est juste là. Voilà, à tout à l'heure. Bah, si vous voulez, en attendant que la personne qui va nous aider à faire l'atelier danse, mouvement, on vous propose, en fait, on a une boîte à questions dans laquelle vous pouvez mettre des questions. Donc c'est vos questions et vos réponses, en fait, sans intervention. Ça nous permet de discuter comme ça sur des sujets posés par des personnes qui passent et qui se posent une question. Donc... On a déjà une série de questions qui ont été posées par des gens au cours de la semaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de choisir une question. Alors ça ne vous engage pas à y répondre, hein. C'est juste la choisir. Donc une main innocente, pure et... Merci. Et non corrompue. Voilà. Parfait. Est-ce que vous voulez bien nous lire la question? Donc qui a été posée non pas par vous a priori, mais par quelqu'un au cours de la semaine. Alors, peut-on parler de métaphysique sérieusement? Je répète, peut-on parler de métaphysique sérieusement? Ça rigole pas, hein, les auditeurs d'EducPop, les participants sont... alors, est-ce que vous voulez répondre à cette question ou on passe à une autre? Est-ce que c'est une question qui vous intéresse ou pas particulièrement? Ouais, ou elle est un peu trop métaphysique? On passe à une autre? Allez, on peut la remettre, peut-être que ça nourrira d'autres discussions et on en choisit une autre. Alors, je ne serai pas à parler pour entendre la reprise, mais je sais que vous pensez ce que le Boualem Sansal, Kamel Daoud, n'est encore facho. Attendez. Bon, je comprends pas la question non plus. On n'arrive pas à lire la question. On va peut-être passer à une autre question. Allez, on va y arriver. Hein. La troisième, en général, c'est la bonne. Pourquoi les résultats sur l'illettrisme est à 20% en France? Voilà. Pourquoi les résultats sur l'illettrisme? Les résultats de l'illettrisme sont à 20% en France. Alors, merci. Donc ça nous entraîne à des discussions sur l'éducation, sur l'école, sur l'illettrisme. Vous savez, la France dans les classements internationaux, européens, PISA et compagnie, elle est souvent assez mal classée comparée à ce qu'on pourrait s'attendre. Alors Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? C'est normal, c'est la France. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas du tout envie de répondre sur l'illettrisme parce que je suis pas compétente pour ça, mais tout le monde sait que pour globalement le système éducatif français c'est basé sur une compétition hard. Et moi j'enseigne d'ailleurs et j'ai des mais ils sont grands, mais combien de gens de 20 ans me disent aujourd'hui qu'on leur a dit qu'ils étaient nuls, par exemple, au collège. Donc c'est très banal hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même très frappant. Et je pensais quand même que ça existait plus, ce genre de choses, et qu'on leur répète. Et j'en ai même une qui a 18 ans, qu'on a mis à 6 ans derrière en lui disant qu'elle comprenait rien. Voilà, donc je me posais... Alors, je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais en tout cas, on sait très bien que c'est un système vertical où il faut s'adapter. Et tout le monde le sait, vous pouvez lire partout, donc j'ai un peu honte de le répéter, mais je crois que c'est tout ce qu'on peut... On peut au moins déjà dire ça. Enfin, le rappeler plutôt. Je veux dire, dans le système éducatif, est-ce qu'il n'y a pas aussi un corporatisme des grandes écoles? C'est-à-dire que ceux qui sont privilégiés, c'est les gamins qui seraient appelés à aller dans les grandes écoles, genre ENA, ou alors ceux qui seraient pris en considération, c'est plutôt ceux qui seraient amenés à aller déjà en prépa. Bon, il faut se dire la vérité. Les nuits debout, c'est quand on dit réveil, c'est enfin se dire des vérités et éviter pendant 2 mois de ne pas oser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent ici et qui n'osent pas. Il y a dans les universités, dans les grandes écoles, des enfants de certaines personnes, de certaines classes sociales qui ont les résultats des examens pour être sûr qu'ils puissent les passer. Et s'ils n'ont pas les résultats des examens, on leur donne les sujets. Comme ça, ils peuvent mieux travailler. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes et certaines familles ont toujours les bons résultats. Et dans ces mêmes personnes, ils ont toujours des frères et des sœurs qui glandent rien. Mais c'est pas grave, parce que comme ils ont de l'argent, ils vont finir chanteur ou musicien ou comédien. Et donc, on vit dans un système, c'est comme l'Africain. Quand l'Africain il arrive en France, il oublie de dire quand il souffre dans son pays que la France paye l'Afrique. Et ben le français c'est la même chose. C'est-à-dire d'année en année, de révolution en révolution, de révolte en révolte, ils n'osent pas dire les mensonges et toutes les traîtrises de ces oligarchies contre le peuple. Et à un moment donné, il faudrait que le peuple dise c'est pas normal que tel fils, ils ont toujours des bons résultats et les autres ils arrivent pas. C'est uniquement parce que le système est tronqué. Et ici, il y a une dame qui est professeure, elle peut nous dire si je mens ou pas. Oui, mais je peux aussi passer la parole à quelqu'un d'autre, je veux dire. Voilà, j'ai déjà. Je sais pas. Je repasse le micro, en fait, c'est juste une virgule. Le 22%, c'est selon la police ou selon les lettrés? Ça, la personne qui a écrit la question ne le dit pas. Selon quelle statistique, c'est l'éducation nationale, si c'est. Mais c'est vrai que aussi comment on mesure les chiffres, hein, c'est toujours. Il faut sourcer ces informations, c'est important. Donc, on avait commencé à dire que une des causes de l'échec scolaire et notamment de l'illettrisme, ce serait sans doute qu'on a un système scolaire en France qui donne pas beaucoup confiance aux élèves, d'une part, et aussi, si j'ai bien compris ce que vous disiez, qui est un peu trop normatif, qui nous formate et qui, quand on n'est pas dans le moule, eh bien, on a beaucoup de mal à se raccrocher à ce système et donc il sert à ceux qui peuvent s'y sentir à l'aise ou scolaire, comme on dit, dans le bon sens, mais ceux qui ne se sentent pas dans ce capable de suivre ce moule-là ou qui n'ont pas envie, eh bien, se retrouvent sur la touche. Alors, oui? Excusez-moi de reprendre la parole, mais on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que tout à l'heure, je viens de dire quelque chose, vous êtes parti, vous êtes revenu à la banalité. Donc je vais vous redire une deuxième chose pour essayer. Non, excuse-moi, c'est pas méchant, mais je veux vraiment pousser les gens à se réveiller, à parler, à dire des choses vraiment qui nous perturbent tous, qu'on n'ose pas mettre sur la place, comme si on devait se faire psychanalyser pour qu'on sorte nos troubles d'enfance qu'on n'arrive pas à percevoir. Un soir, j'ai rencontré une jeune fille, elle avait la trentaine, dans une soirée dansante, soirée brésilienne. Et donc, elle m'a dit, ah, tu danses bien, tata, on va être potes et tout. Et donc, je l'ai invitée à une répétition. Et ensuite, elle m'a invité à dîner chez elle. Et donc, chez elle, on pose la question. Alors, tout allait bien. Je lui pose la question, mais tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, je suis en train de faire une thèse sur l'illettrisme dans le milieu, t'as dit, dada, ok. J'ai dit, mais c'est quoi l'illettrisme en fait? Elle me dit, l'illettrisme, c'est lorsque quelqu'un est allé à l'école et qui n'a pas bien suivi le cursus de l'école et donc il n'a pas le niveau nécessaire de lettrise pour pouvoir se débrouiller dans la vie. J'ai dit, ah d'accord. Et j'ai dit, et c'est quoi le... Ah ouais, après elle me dit, il y a l'illettrisme et il y a l'analphabétisme. Et elle me dit, l'analphabétisme, c'est quelqu'un qui a jamais été à l'école. Je dis, très bien. Donc, tu vois, tu es en train de me dire que ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, ça veut dire ne pas pouvoir se débrouiller dans la vie et avoir des lacunes, ceci, cela. Elle me dit, oui. Je lui dis, moi, j'ai arrêté l'école en cinquième. Est-ce que j'ai l'air d'un imbécile? Elle commence à me dire, oui, mais t'as dit, tatata, ceci, cela, machin, chose. Et donc, on arrive à avoir un système où il y a des gens cultivés, intellectuels, qui nous ont appris le mot « je pense, donc je suis ». Et c'est un mot technique, philosophique, littéraire, qui n'intéresse que les personnes qui le disent, et qui nous ont fait oublier le mot, la phrase « je fais, donc je suis ». Donc je mets en place, j'œuvre, je pose ma pierre, donc j'existe. Et donc on en arrive à un système où, excusez-moi madame, on a mis en exergue le lettrisme et l'intellectualisme, c'est-à-dire la richesse du lettré au-dessus de la richesse du mec qui sait faire, mais qui sait pas lire. Et donc, le système, il est biaisé comme ça. Combien de gosses dans la rue qui savent pas lire? Il suffit de regarder les grands chefs d'entreprise. Je parle pas des grands chefs d'entreprise du CAC 40, enfin, de ceux qui sont dans l'administration. Les grands chefs d'entreprise, c'est-à-dire ceux qui créent et ceux qui innovent, ils sont nuls à l'école. Ils ont été virés de l'école. Et ils ont été obligés d'inventer et de créer. Ils sont que ce que vous passiez, vous allez voir les grands chefs d'entreprise, ceux qui ont créé, qui ont mis des choses neuves, ils étaient nuls à l'école. Ils ont arrêté l'école jeune. Ils sont obligés de créer et d'innover, de penser, que ce soit d'une façon pécuniaire ou que ce soit une idée. Ils ont regardé dans le monde ce qui manquait. Et après, vous regarderez que leurs directeurs, par contre, leurs directeurs ou leurs cadres, eux sont des diplômés. Donc, à un moment donné, on en arrive à rabaisser les gens, à leur faire penser aux gens qu'ils sont des imbéciles, alors qu'ils sont tous des créatifs et des gens pleins d'idées, pleins d'envie, pleins de possibilités, en leur disant, il faut que tu apprennes à lire, il faut que tu saches lire A plus B, machin, machin, et là tu seras quelqu'un d'intelligent. Ben non, parce qu'on te met dans un cursus où pour apprendre à lire, il faut connaître la pensée de l'imbécile qui va t'obliger à penser comme lui. Et donc tu ne deviens plus parce que tu deviens lui, et lui il va te manipuler, faire de toi ce qu'il veut. Et donc le problème il est là. Et l'école, est-ce que ça sert à créer des moutons et des imbéciles, ou est-ce que ça sert à développer des futurs intelligents, des gens qui vont apporter un plus pour le vivre ensemble? Et là, il est là le très gros problème. Alors l'illettrisme et l'alphabétisme, est-ce que ça empêche quelqu'un d'être une personne adulte et une personne qui sait faire? C'est ça la question. Merci. Alors, des réactions là-dessus, sur notamment ce qu'a proposé intervenant là sur notre école qui mettrait trop en valeur la théorie, le théorique sur les savoirs pratiques, sur le faire, et peut-être la culture littéraire, lettrée sur une autre façon de se cultiver. Et puis peut-être que vous avez des réactions aussi sur ce qu'il a dit sur les patrons, les chefs d'entreprise. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que c'est un constat qui vous parle? Ouais. T'es d'accord avec ça? Ouais. Aussi. Non, mais disons que le diagnostic ou quoi, il vaudrait mieux pas apprendre à lire. Disons que dans les printemps arabes, c'est justement pas par hasard que c'est en Tunisie que ça a commencé, que ça a d'ailleurs marché, hein. que les gens vont à l'école là-bas. Il y a d'autres pays, voilà. Les pays où on ne va pas à l'école, on bouge moins, c'est beaucoup plus difficile, voilà, où les gens ne savent pas lire. Il y a quelqu'un qui voulait parler ? Là, je vais répondre à ce truc. On parle du printemps arabe, les étudiants. Sachez que toutes les révolutions sont créées par des oligarchies supérieures qui envoient des étudiants dans des écoles en Afrique ou ailleurs, qui disent aux étudiants voilà ce qui va se passer, voilà ceci, voilà cela, et qui mettent dans la tête des étudiants que vivre, penser aller comme les États-Unis, penser comme la France, c'est être mieux, et qui s'en vont combattre un système. Partout où vous allez dans les printemps orange que vous avez vu, ce sont toujours des étudiants manipulés par des agents secrets des pays. Et ça, et sincèrement, il y a des gens ici qui peuvent en parler. Ce sont toujours des agents secrets qui partent dans des écoles, parler à des étudiants et les mettre contre leur peuple. Et tous les printemps arabes ont été comme ça. C'est-à-dire que il y a des étudiants pseudo-intellectuels qui pensent maintenant comme l'autre, c'est-à-dire l'empire, celui qui soumet son pays. Et elle dit à son peuple, ah non, non, non, c'est bon, on est des bouseux, on traite des vaches depuis tant d'années, c'est plus possible, Sartre, machin chose, Prévert, machin, et qui vont créer un dynamisme négatif de révolte dans ces pays-là. Et donc, il faut maintenant qu'on se parle tous, messieurs qui avaient, j'aimerais que vous en parliez, prenez le micro pour que vous expliquiez aux gens qu'est-ce que c'est que les printemps arabes et comment ils sont arrivés. Parce que là, il y a vraiment une désinformation. Ce sont les pays d'Occident qui sont allés manipuler des étudiants pour que ces étudiants... Et ça s'est passé de la même façon en Ukraine. Excusez-moi. Oui, alors une réaction rapide et après on va passer à l'intervention suivante. On a un petit peu glissé de débat. Je voulais dire, monsieur a dit que les étudiants étaient manipulés. Ça veut dire que les étudiants n'ont pas un cerveau, ils ne savent pas réfléchir tout seuls. Ils sont idiots, quoi. Ils ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas adultes. Ils ne savent pas penser. Ils ne savent pas réagir tout seuls. Je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous dites là. Bah, on a compris, je pense. Donc comment ? Vous êtes en train de vous contredire. Vous êtes en train de vous contredire. Là, tout à l'heure, vous avez dit que les étudiants étaient manipulés. Parce que c'est un jeune, il voit, il croit ce qu'il voit, il est en train de vivre sa vie en direct, il découvre. Attendez, vous partez là. Vous partez bas là. Vous avez dit quelque chose ? Je vous réponds là. Non. Là, vous avez dit quoi? Les étudiants étaient manipulés. Alors qu'ils n'ont pas un cerveau, ils ont rien du tout, quoi. C'est des quoi, là? C'est des bêtes, quoi. Je sais pas, je comprends pas, moi. Qui tenait pas là. Vous avez dit quelque chose? Moi, je vous réponds. Pour répondre à ma question, vous répondez par notre argument. Alors, on reste calme, hein. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais juste vous poser une question. Donc, du fait qu'on est manipulé, qu'est-ce qu'on fait ? On vient nu debout, on s'écoute, on se contredit, on argumente. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Si vous venez ici juste pour regarder les autres parler ou juste pour dire « t'es un menteur, je te crois pas », développe, question-réponse. Le cerveau fonctionne comme ça, les neurones, en fait, vous pourrez lire 40 000 bouquins dans votre vie, vous ne serez qu'un centre d'information. L'intelligence, c'est les neurones. Et les neurones ne fonctionnent que dans la contradiction, dans l'exercice de contradiction. C'est-à-dire que je suis pas d'accord, paf, ça se déclenche et machin. Donc habituez-vous à argumenter, habituez-vous à contredire, et vous verrez que nuit debout, l'éducation populaire va rester là pendant 2 mois, 3 mois, et plus vous habituerez à écouter, à répondre, à argumenter, et vous verrez qu'à la fin, tout le monde dira, on sort de ce système de merde qui nous entube tous. C'est bon ? Ok, merci. Et c'était l'occasion de redire effectivement ce qu'on essaye de faire ici, hein, c'est de, en vous donnant la parole sans savoir à l'avance ce que vous allez dire, ce que vous pensez, on est tous différents, justement de créer des espaces de contradiction mais aussi productifs. Hein.